Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La rhétorique. Quand le discours devient une arme, en 1688, la rhétorique ou l'art de bien parler en est à sa troisième édition. C'est un ouvrage de Bernard Lamy, mathématicien et philosophe. Et dans sa préface, il écrit « La rhétorique, comme le montre l'origine de ce mot qui vient du grec, est l'art de parler ». Il ajoute « Il y en a qui définissent la rhétorique, l'art de bien parler pour persuader. Mais il me semble qu'il suffit de dire qu'elle est l'art de parler ». Pourquoi dit-il cela? Eh bien, il l'explique. On emploie l'art que pour aller à ses fins. Nous ne parlons que pour faire entrer dans nos sentiments ceux qui nous écoutent. Si nous parlons, c'est toujours pour persuader. Pierre Chiron, bonjour. Bonjour. Que reste-t-il aujourd'hui de la rhétorique antique? Ce que ses prédécesseurs, ceux qui avaient réfléchi dans l'Antiquité grecque à la rhétorique, nous ont laissé est essentiel encore. Oh, je dirais que c'est tout simplement fondamental au sens strict du terme. C'est la base, c'est la base. Et c'est la base, si je peux me permettre d'enchaîner tout de suite avec une idée force, c'est la base politique. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction très claire entre l'apparition de la technique, il faut distinguer la technique de la pratique, il y a une conjonction très claire entre l'apparition de la technique et le développement des régimes démocratiques. Oui, parce que la rhétorique est une chose, la théorisation de l'art de parler est quelque chose qui peut se situer dans l'histoire. Les humains parlent, la rhétorique est autre chose. Absolument. L'éloquence existe probablement depuis qu'il y a de l'amour et du commerce et d'autres activités d'échange. Et des Homères, pour parler de la Grèce, vous avez des pratiques de la parole qui sont d'une subtilité, d'une complexité, d'une, duplicité remarquable, mais vous n'avez pas de théorie. Oui. Vous avez la pratique, mais pas la théorie. Alors, ce qui est un petit peu trompeur, c'est qu'il y a un matériau tellement riche chez Homère que les théoriciens postérieurs y ont puisé. Donc, on pourrait croire qu'il y a une rhétorique d'Homère. Non, il faudrait dire qu'il y a une rhétorique d'après Homère. Parce que chez Homère, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, nous avons énormément de discours. À la lecture, c'est vrai que nous ne nous en rendons peut-être pas aussi compte qu'il le faudrait, mais beaucoup de textes sont des discours. Mais le calcul a été fait pour l'Iliade. Alors l'Iliade, c'est vraiment le plus militaire de tous les poèmes. On se bat sans arrêt et il y a 45% de paroles. C'est énorme. C'est énorme, presque la moitié. Et dans l'Odyssée, nous trouvons aussi des discours, et ce coup-là, nous avons des orateurs magnifiques, Ulysse. Cyclope, un coup de vin sur les viandes humaines que tu viens de manger. Tu verras la boisson que nous avions à bord. C'est la libation que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n'a plus de bornes, malheureux. Alors, sois gentil et dis-moi tout de suite ton nom. Car je voudrais t'offrir, ô mon hôte, un présent qui va te réjouir. Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope? Je m'en vais te le dire, mais tu me donneras le présent annoncé. C'est Personne, mon nom. Oui, mon père et ma mère et tous mes compagnons m'ont surnommé Personne. Eh bien, je mangerai personne le dernier. Voilà, le Cyclope ne va manger personne. C'est le discours d'Ulysse au Cyclope dans une fiction radiophonique en 1956 avec dans le rôle d'Ulysse Gérard Oury. Oui, Gérard Oury, le réalisateur de La Grande Vadrouille, de La Folie des Grandeurs, eh bien, il a aussi été Ulysse. Pierre Chiron, c'est très intéressant d'imaginer que le discours occupe une place essentielle chez Homère. Pourquoi ce discours-là, dites-vous qu'il n'est pas encore réfléchi au sens de la théorisation? Est-ce que la rhétorique n'est quand même pas présente déjà chez Homère? Oui, certainement. Il y a même des... Dans le texte même du poète, il y a des éléments de critique presque technique. Hein, mais on ne peut pas dire qu'il y a un corpus... Vous savez, une technique, ça se définit d'une manière assez précise. On fixe en grec un telos, c'est-à-dire un objectif, et puis on va définir les moyens de parvenir à cet objectif. Et ensuite, on va trouver également des explications à la réussite et à l'échec. Vous voyez ? Donc c'est tout ce dispositif qui est à la fois pratique et théorique, hein, qui les deux étant difficilement séparables, mais qui est très construit, très, très élaboré, qui n'apparaît qu'avec la période classique, c'est-à-dire aux alentours des années 460 avant Jésus-Christ. Pierre Chiron, vous êtes helléniste, philologue, vous êtes professeur à l'Université Paris-Est et l'auteur notamment de ce manuel de rhétorique publié aux Belles Lettres. Intéressant hein, ce manuel de rhétorique parce que dans le mot même du titre, il y a manuel et rhétorique. Cela s'apprend la rhétorique. Mais quand vous mettez en place le cadre chronologique, la question qui vient est pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi à ce moment-là, les Grecs ont-ils eu besoin de réfléchir à la rhétorique ? Alors, je crois que sur les débuts de la rhétorique, il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Mais il y a un épisode qui est, on dira, semi-historique, c'est-à-dire sur lequel il y a des témoignages qui ne sont pas tout à fait convergents, mais qui attestent de la réalité d'un fait. Et ce fait, c'est la coïncidence entre le premier manuel, qu'on a perdu évidemment, et une révolution démocratique en Sicile, dans les années 460 avant Jésus-Christ. Et là, c'est à ce moment-là, alors soit pour que les propriétaires rentrent dans leurs droits après la période de tyrannie, soit pour s'approprier les nouvelles pratiques démocratiques, c'est à ce moment-là que, alors soit un personnage qui serait Corax, en fait Tisias surnommé Corax, soit deux personnes, Corax et Tisias, là je vous renvoie à toute l'histoire qui a été faite très bien par un Américain dans les années 90, hein, Thomas Cole. Enfin, moi je pense que la meilleure hypothèse, c'est que comme les enfants s'appelaient rarement corbeaux, hein, même dans l'Antiquité, je pense que la meilleure hypothèse, c'est que c'est un personnage qui s'appelait Tisias, qui a été surnommé, en mauvaise part évidemment, Corax. Le corbeau. Et cette conjonction d'un talent particulier, probablement, et de circonstances politiques qui est à l'origine de la création du premier manuel, qu'on a perdu, mais sur lequel on a quand même un certain nombre d'indications. Il devait y avoir des réflexions sur le probable, jusqu'aux limites du probable. On a le premier dilemme, par exemple. Le premier dilemme, c'est une histoire assez, assez cocasse. Dans des versions qui étaient courantes à l'époque byzantine, Corax était le maître, Tisias l'élève. Mais Tisias était de mauvaise foi et il a voulu ne pas payer les leçons de Corax. D'où procès. Et un dilemme, Tisias dit, si je gagne mon procès, je ne te paye pas. Si je le perds, c'est que tes leçons étaient mauvaises, donc je ne te paye pas non plus. Et Corax dit, si je gagne mon procès, tu me payes, hein. Et si je le perds, tu vois bien que, à ton tour, tu as gagné, donc tu me dois de l'argent. Le tribunal aurait renvoyé les deux avec une formule en grec, kakos korax, kakon oon, mauvais corbeau, mauvais œuf. Et cette histoire, cette anecdote était répétée dans les écoles byzantines pour dire, la rhétorique, c'est très bien, mais c'est dangereux. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Toujours est-il qu'on a quand même quelques indices sur les circonstances et la date de la création de la première technique. Mais évidemment, la véritable rhétorique est attestée solidement plus tard. Pierre Chiron, justement, la question se pose sur ce qu'est la rhétorique. Est-ce uniquement l'art de bien parler, mais dans la construction des idées, ou l'art de bien les exprimer à l'oral ? Alors, là, il faut prendre des références un petit peu plus tard, au moment où la rhétorique est constituée comme technique. Il y a un dispositif complexe, qui est un dispositif de technique et aussi pédagogique, qui définit la recherche des idées, cinq parties. Hein, la recherche des idées, la mise en place, hein, la mise, j'allais dire, l'expression, enfin la mise en mots. Alors après ont été ajoutés, mais déjà Aristote les indique un peu en pointillé, il y a la mise en corps, l'hypocrisis, comment le texte va pouvoir être énoncé devant un public avec les gestes convenables. Et puis vous avez enfin un domaine absolument passionnant qui est la mémorisation. comment faire en sorte pour que le texte qui a été préparé, médité, etc., puisse être enregistré. C'est très difficile de parler sans quitter le regard de l'interlocuteur, hein, si on a quelque chose de précis à dire. Donc il y a toutes sortes de... il y a une mnémotechnie qui a été théorisée pour pouvoir à la fois prononcer un texte préparé, et cela dans l'interaction avec l'interlocuteur. Donc vous voyez, c'est un dispositif complètement, enfin total, complet, et avec pour chacune des 5 étapes que j'ai décrites, évidemment un grand nombre de préceptes. Mais vous avez raison de le dire, tout cet appareillage suppose des années de travail. Et aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il suffit de 2 ou 3 cours d'éloquence ou d'un concours pour devenir un grand orateur. C'est faux. Il faut des années, il faut beaucoup d'exercices, il faut beaucoup de pratiques et il faut évidemment peut-être aussi quelques convictions sur les valeurs de l'échange. Ah, ça, c'est important aussi. Et puis, nous parlerons de la place à laisser au talent. Mais dans cette idée de mémorisation et de l'art de bien parler, avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Éléonore Salm, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur attaché à l'Université de Strasbourg et l'autrice d'une thèse en philologie classique. Alors je donne le titre de votre thèse, La leçon de musique, les relations entre rhétorique et musique dans l'œuvre de Denis d'Halicarnasse. Justement, dans l'art de mémoriser, nous avons évoqué Homère, le discours d'Ulysse. Et puis, quand on voit l'Iliade et l'Odyssée, c'est volumineux. Et quand il faut répéter tous ces textes, il y a sans doute des procédés. Cette musicalité est essentielle, Éléonore Salm. Bien sûr. Alors, c'est sûr que actuellement, on a un peu du mal à l'imaginer parce que on aborde essentiellement le grec et le latin par le biais de l'école. Et à l'école, souvent, on a une prononciation traditionnelle qui efface l'aspect musical de la langue grecque et de la langue latine. Or, vous savez bien que actuellement aussi, la voix de l'orateur n'est pas une voix de la conversation. Mais dans l'Antiquité, c'était encore plus sensible parce que la langue grecque et la langue latine étaient des langues de nature musicale. Alors, peut-être faudrait-il préciser. Oui. Voilà, donc par musique, on entend généralement l'association de rythme et de mélodie. Je simplifie, mais globalement, c'est ceci. Or, le latin et le grec possèdent toutes les deux, ces deux langues, un substrat mélodique et un substrat rythmique. Il s'agit pour la mélodie de l'accent de mots. Et à l'époque, l'accent n'était pas un accent d'intensité. On ne disait pas la syllabe sur laquelle était l'accent plus fort, mais on la disait plus aiguë. Certaines recherches ont été faites actuellement et déjà dans l'Antiquité par des grammairiens, par des rhéteurs. Et on estime que la hauteur de l'accent pouvait varier sur à peu près la hauteur d'une quinte. Do, son, do, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc là-dessus, on pouvait varier les intonations. Et puis, vous avez un substrat rythmique qui est la succession de brèves et de longues. Alors là, ça fait un petit peu solfège, longue, brève, brève. Voilà. Mais ce n'est pas exactement ça. C'était là aussi plus subtil. En tout cas, l'ensemble donnait donc un aspect très musical à la langue. Et les orateurs se sont particulièrement appuyés sur ce caractère musical pour mettre en valeur leur discours. Et tout comme aujourd'hui, quand nous voyons les temples de l'Antiquité, nous les imaginons blancs alors qu'ils étaient entièrement peints et extrêmement colorés. Bien pour les textes, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous voyons des textes, mais il faut imaginer ces discours prononcés. L'art oratoire, en apparence, est aujourd'hui méconnu. Et pourtant, depuis la plus haute Antiquité jusqu'à une période encore très récente, il était l'une des disciplines de base de l'éducation. Il en constituait en quelque sorte le couronnement et il n'y a pas si longtemps que la classe de première a cessé de s'appeler la rhétorique. De fait, depuis que les hommes existent et qu'ils parlent, le discours, sous les 1000 formes qu'il a revêtues, a joué dans leurs aventures individuelles ou collectives un rôle considérable. En poursuivant cette idée et en recherchant les textes qui nous paraissaient de nature à l'illustrer, nous nous sommes aperçus que le répertoire de l'éloquence contenait de purs chefs-d'œuvre, pour la plupart totalement inconnus et prisonniers de la poussière des bibliothèques, et pour le reste, si l'on peut dire, trahis. Trahis parce que, révélés au public par la seule lecture, alors qu'il s'agit d'œuvres conçues pour être parlées. Si bien que l'image que tout un chacun retire aujourd'hui de l'éloquence est comparable à celle qu'aurait un mélomane qui aurait toute sa vie lu des partitions sans jamais écouter une note de musique. L'avocat Alain Tiner, qui s'exprimait en 1972 sur France Culture à propos de l'art oratoire dans l'Antiquité. Pierre Chiron, quelle réflexion vous évoque cette comparaison? Quelqu'un qui lirait les textes aujourd'hui sans réfléchir à comment ils pouvaient être prononcés dans l'Antiquité, c'est un peu quelqu'un qui lit une partition sans réfléchir à la musique. Ça, c'est vraiment un point, lui aussi, absolument capital. Éléonore Salm a parlé des rythmes. Il faut bien voir que ces rythmes étaient partie prenante d'un ensemble de procédés qui permettait à l'orateur de se faire entendre dans des grands espaces. Hein. Il n'avait pas de microphone. Et que, d'autre part, il y avait cette conviction héritée de Damon, et transmise par Platon dans la République, que les rythmes sont en quelque sorte des formes mentales qui ont une partie prenante, qui sont partie prenante de notre psyché. C'est-à-dire que nous avons un rythme peut-être doux, calmant ou au contraire excitant. Alors on peut plaquer là-dessus des éléments qui sont à la fois politiques et éducatifs. Est-ce qu'il faut des rythmes pour les jeunes, par exemple? Est-ce qu'il faut des rythmes qui soient syncopés, alanguis, alors avec toutes les connotations que vous devinez sur le côté efféminé ou pas de l'énoncé? Alors, au contraire, on aura une diction virile, guerrière, etc. Donc, ces rythmes de la parole étaient à la fois des moyens d'énoncer dans des grands espaces, mais aussi des moyens de former des structures mentales qui avaient partie liée à la morale et à la politique. Vous voyez, ces aspects auditifs n'ont rien de superficiel, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et ça a une incidence sur la manière dont le discours lui-même est préparé, rédigé, s'il y a ce rythme. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que les textes étaient transmis sous forme orale. Donc, quand on écrivait, on pourrait dire que l'écrit était un laboratoire. Mais l'objectif de l'opération, c'était l'oralisation. Et donc, on écrivait en anticipant sur l'oralisation. Et la chose était spécialement difficile pour des raisons qui tiennent au caractère malcommode de l'écriture grecque, qui n'utilisait que des majuscules, qui ne connaissait pas la séparation entre les mots, qui pratiquait très mal, très approximativement la ponctuation, etc. Et Aristote nous dit que, par exemple, les dits d'Héraclite sont très très difficiles à ponctuer parce qu'ils sont mal écrits. On ne sait pas à quel membre de phrase rattacher tel ou tel mot. Vous voyez, il y a donc comme objectif l'oralisation, et en espèce de rétro-programme, si vous voulez, une préparation de l'écrit qui anticipe sur une bonne énonciation. Éléonore Salm, vous ne disposez pas de cette oralité pour l'Antiquité, car nous n'avons plus d'enregistrement. Tout a été... Non mais c'est vrai, c'est une misère absolue, même si la voix a été reconstituée. Il y a de magnifiques tentatives là-dessus. Oui, je pense à Philippe Brunet, je pense à Stephen Dates, un certain nombre de spécialistes qui ont réussi à reconstituer de manière assez... Je crois qu'Éléonore Salm connaît très bien ces questions. Et ben justement, vous disposez, Éléonore Salm, de textes principalement. Comment travaillez-vous pour essayer de retrouver l'oralité? C'est exactement la piste qu'évoquait Pierre Chiron. Effectivement, nous n'avons que les textes des discours, en outre des textes souvent remaniés pour la publication. C'est-à-dire, après avoir été prononcés en réalité, ces textes, les orateurs ont choisi de les publier. Un exemple très célèbre, ce sont les Catilinaires de Cicéron, que de nombreux latinistes ont dû, avec peine, traduire étant enfants. Mais ces discours-là, en fait, ont été réécrits partiellement par Cicéron, ou Démosthène aussi réécrit. Et en fait, donc pour reconstituer la réalité de ces discours, on a deux sources principales, on va dire, deux pistes. D'abord, les textes des discours eux-mêmes, qui parlent, entre guillemets, et puis les traités de rhétorique qui sont très nombreux, très riches d'indications sur les mises en voie des discours, notamment des traités de rhétorique qui datent de, disons, du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Donc un moment où la rhétorique et l'éloquence étaient déjà très très théorisées. Alors pour les textes des discours, on a des exemples très anciens, par exemple Denis d'Halicarnasse précisément au 1er siècle à l'époque d'Auguste analyse dans ses œuvres des discours anciens, par exemple notamment les discours de Démosthène par lequel il était fasciné en fait à partir du style, de la longueur des phrases, des figures il imagine le ton employé, le rythme, le débit, donc il fait toute une analyse qui est basée sur le style pour imaginer la mise en voix en disant que en fait le texte parle de lui-même, et c'est un peu ce qu'essayent de faire des spécialistes modernes aussi, dans une forme d'expérimentation, comme l'expliquait Monsieur Pierre Chiron, par exemple des spécialistes américains ou Pierre-Philippe Brunet. C'est un petit peu cela, c'est essayer de faire revivre à partir des textes ce que l'on connaît. Et c'est une pratique qui devait sans doute être déjà répandue dans les écoles de rhétorique. Et le fait d'écrire sous forme de poésie, avec des rimes, est-ce que cela est quelque chose qui est courant dans les textes qui sont destinés à être prononcés, Éléonore Salm? Alors, non, pas tellement dans les textes conservés. C'est-à-dire qu'il y a, comme l'expliquait Pierre Chiron, une forme de réserve des anciens dans nos sources sur le caractère musical du discours. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine mesure. Puisque ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de l'orateur qui doit donner, surtout à l'époque romaine, on va dire, une image de on appelle ça la dignitas, une image de virilité, et sa valeur morale en fait est en jeu dans la façon de parler. Or, les rythmes répétitifs, les rythmes un petit peu qu'on appelle brisés, c'est-à-dire un peu efféminés, la syncope, c'est associé dans l'imaginaire grec et romain à une effémination et à un caractère désordonné de la vie de l'orateur et de son caractère. Donc, on va essayer d'éviter et plutôt privilégier une rhétorique très travaillée, une éloquence, pardon, très travaillée, mais avec un aspect musical assez mesuré. Voilà, donc mettons de côté la poésie, pourtant en alexandrin c'est très joli. Pénélope, ma chérie, quelle joie que ta présence. Votre venue enchante mon cœur et mes sens. Et vous, mon cher Ulysse, ça fait combien de temps? Tout en alexandrin, ça va être très très chiant. J'ai un cadeau pour vous, chérie, c'est toi qui l'as. Hein? Quoi? Moi, un cadeau? Ben non, tu parles de quoi? Enfin la tapisserie, tu sais que j'ai tissé. Ah oui, ah non, ben mince, on a dû l'oublier. Ça n'a pas d'importance. Passons dans le salon. Ariane, Phèdre, Hippolyte, où sont les autres garçons? Thésée est en retard, comme d'habitude d'ailleurs. Un verre d'huile d'olive? Un doigt, ça va, merci. Et toi, ma Pénélope? Seulement du tzatziki. Hippolyte est toujours vissé à sa console. Putain, laisse-le tranquille. Oh, c'est bon, je rigole. Mais il faut bien avouer qu'il n'est pas très sociable. Allons, voilà Thésée. On va passer à table. 50 nuances de grec, de Jules, la série, le dessin animé, puis la BD aussi. Pierre Chiron, justement, dans cette réflexion sur l'art de bien écrire un texte destiné à être lu, et l'art de bien le dire, n'y a-t-il pas dissociation? C'est-à-dire un auteur d'un côté et puis celui qui va dire qui n'est qu'un acteur. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que se conçoit la rhétorique. Il faut que la même personne soit capable de faire les deux. On a les deux situations. Je pense à Isocrate. Isocrate qui écrivait, qui a mis 10 ans pour écrire le panégyrique, hein, et qui, dans le Panathénaïque, sa dernière œuvre, confesse qu'il avait une mauvaise voix et qu'il était timide, etc. Et dans son cas, on sait très bien que c'est pas lui qui oralisait ses discours. Dans le cas de Démosthène, les choses sont un peu différentes. Démosthène était un peu handicapé comme Isocrate. Et c'est plus tard qu'il nous le raconte. Il était lui aussi timide. Il avait la bouche un peu pâteuse. Et pour le coup, il a passé des années et des années à préparer justement l'oralisation, et encore une fois j'y insiste, dans des espaces énormes et dans des circonstances extrêmement dramatiques. Dans le sur la couronne, il dit que, enfin c'est, on vient d'annoncer la nouvelle de la prise d'Élatée, c'est-à-dire que Philippe II de Macédoine est aux portes d'Athènes, et il raconte cet épisode dans un passage extrêmement dramatique, et on imagine le grand acteur qu'il a dû être pour évoquer d'une part le silence pétrifié de l'assemblée grecque, et puis quelqu'un est apparu, c'était lui-même. Et il faut qu'il relève le gant comme ça et qu'il se montre en sauveur de la patrie. Donc il y a derrière cette éloquence démosthénienne du très grand art de théâtre qui ne peut effectivement être assumé que par la même personne. Et avec Démosthène, nous avons aussi cette idée magique que le travail est absolument à la base de cet art, parce que Démosthène ramasse des petits cailloux. Alors, vrai ou faux, peu importe si cette anecdote est une invention, mais elle a été répétée à travers les siècles, les cailloux de Démosthène. Oui, oui, mais celui qui raconte l'histoire, c'est plus tard, c'est pas n'importe quel historien quand même. Et il y a cet autre détail, moi, que je trouve beaucoup plus instructif techniquement que les petits cailloux. Que Démosthène mettait des petits cailloux dans sa bouche pour s'entraîner. Pour s'entraîner à articuler. Articuler. On revoit ça dans My Fair Lady. Bon, mais il y a une autre technique, moi, que je trouve plus stimulante, c'est l'idée de s'habituer à déclamer en marchant sur une pente ascendante. Alors, moi, je crois que effectivement, c'est un très très très bon exercice pour développer son souffle. Et alors, les difficultés et l'entraînement à propos de Démosthène, mais difficultés aussi personnelles. La fortune de son père avait été confiée à des tuteurs qui l'ont littéralement spolié, et il a dû consacrer plusieurs procès à récupérer ses biens. Et c'est là qu'il a fait l'entraînement personnel et sur le tas, si j'ose dire, de la nécessité. Parce que on parle souvent de l'éloquence un petit peu spectacle ou de l'éloquence politique, qui est plus sérieuse. Mais il y a aussi l'éloquence défensive. On pouvait être... La démocratie implique qu'on se défende si on est attaqué. Et il n'y a pas de ministère public, il n'y a pas de procureur, si vous voulez. Donc, si on vous fait du mal, c'est à vous de vous défendre. Donc, l'aspect, le versant défensif de l'éloquence est tout à fait capital. Oui, parce que nous entendons bien aujourd'hui dans le cours de l'histoire que la rhétorique, l'art de la rhétorique a une histoire liée à la politique, prendre la parole pour faire vivre la société. C'est l'art aussi de jouer sur la défense. Cet aspect-là, très politique, c'est quelque chose, Pierre Chiron, qui doit être compris et répété sans cesse. Avec ce que vous nous avez dit, ces réflexions antiques, monter une pente pour apprendre... En fait, vous êtes l'auteur d'un manuel de rhétorique. Ça n'a pas d'âge, ces petits conseils. Oh, là, je pense, enfin, si on est attaché au régime démocratique dont le sang, si j'ose dire, est la parole, et dont la qualité du débat démocratique dépend évidemment de la qualité des discours, de l'argumentation, etc. Et les Grecs ont éprouvé cette qualité dans les deux sens. Il y a eu aussi des démagogues dans les... La situation, à bien des égards, est assez... Enfin, on peut établir pas mal d'analogies entre ce qui se passait à l'époque classique et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des paroles de dévoiement, des paroles simplistes, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la pratique... si répandu de la parole comme instrument de la vie sociale et politique a fait que les compétences de tout le monde ont augmenté. La terreur des orateurs, c'était le torubos, c'est-à-dire le chahut. Et il fallait s'imposer, et on s'imposait par la qualité de sa parole, la qualité de l'argumentation, etc. Donc il y a eu une espèce de dialectique vertueuse qui a fait que le niveau n'a pas cessé d'augmenter. Et le dernier, enfin, il y a eu d'autres orateurs après, mais le sommet, c'est évidemment Démosthène. Et se méfier, Pierre Chiron, vous nous le dites bien, de ceux qui manient trop bien la parole. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes. rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi. Et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, Alain Delon, Dalida, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric, qui sont un peu nos Alain Delon et Dalida. Le cours de l'histoire, l'invention de la rhétorique, quand le discours devient une arme. Éléonore Salm, dans cette chanson, parole, parole, c'est très intéressant, il y a la voix chantée, Dalida, et une voix parlée, Alain Delon. Il y a un écho antique ici qui est lié à la rhétorique. Et c'est assez amusant parce que ce décalage entre les deux prises de parole, chant et voix parlée, en même temps le discours qui met en avant la facilité de persuasion et d'autre côté le rejet, ça reflète un petit peu la duplicité effectivement de la réception de la rhétorique dans l'Antiquité et aussi la duplicité de la réception de la voix. Alors il y a une anecdote célèbre aussi, toujours par rapport à Ali et à Démosthène, c'est la fameuse rivalité entre Démosthène lui-même et Échine. Échine était un orateur qui avait été auparavant acteur, comédien. Et on lui reprochait à lui sa voix de comédien, tandis qu'on reprochait, que Échine reprochait à Démosthène son caractère de sirène. Il l'a qualifié de sirène en disant qu'avec sa parole, il charmait, comme un charme magique, il charmait ses auditeurs. Donc un petit peu comme dans cette chanson où on a l'impression que la voix parlée charme au sens fort hein, les auditeurs. Il faut se méfier de ces gens qui manient trop bien la parole. Pierre Chiron, ce sont les sophistes. Il faut en dire un mot de ces gens-là. Alors que les sophistes ont été décriés, il y a toute une réflexion à voir sur qui ils sont, comment ils maniaient la parole. Oui, là franchement, je considère Platon comme un immense philosophe et comme un très grand écrivain. Mais l'image qu'il a définie de la rhétorique et de la sophistique est quand même très très biaisée. Elle est philosophiquement pertinente, historiquement impertinente et fausse même, fausse. Les sophistes, ce sont les hommes du logos. Alors, Gorgias a commencé très fort en disant « l'être n'est pas, s'il était, on ne pourrait pas le connaître, et si on arrivait à le connaître, on ne pourrait pas le communiquer par des mots ». Bon, c'est une façon de scier l'ontologie, la science de l'être, qui permet de définir des conditions de véridicité. Hein. Eh bien, que fait Gorgias ? Dans l'éloge d'Hélène, il montre que à la place de la parole scientifique, la parole dialectique, il y a la parole séduction, la parole trompeuse, etc. Et on a généralisé ce gorgianisme à toute la rhétorique, ce qui est complètement scandaleux. Pourquoi ? Parce que la tradition sophistique a été absorbée, si j'ose dire, par la tradition philosophique. Et vous avez, chez Aristote, vous avez la première phrase de la rhétorique d'Aristote, c'est pour nous dire que la rhétorique est antistrophe de la dialectique. C'est-à-dire que c'est un instrument pour dire le vrai. Alors, dès le deuxième chapitre, il reconnaît qu'il y a des procédés annexes, l'éthos, le pathos, etc., qui peuvent servir à faire passer le message. Mais il y a une autre réforme, que dis-je, une autre révolution qu'apporte Aristote, c'est qu'il décrit la rhétorique comme une technique, c'est-à-dire pas comme une science architectonique comme le sont l'éthique et la politique. L'éthique et la politique sont capables de nous définir le bien individuel, le bien éthique et puis le bien collectif, les deux d'ailleurs étant étroitement liés. La rhétorique est une technique, donc elle se met au service de l'un ou de l'autre. Donc nous devons tous apprendre la rhétorique, je pense, pour avoir une vie sociale, une vie politique de type démocratique, mais sans oublier que dans la bouche de certains, le télos peut être mauvais. Et que le remède, dans ce cas-là, c'est pas la rhétorique, évidemment, c'est la philosophie. C'est très, très belle analyse, Pierre Chiron, justement, de ce regard philosophique et surtout, presque sur ce mythe. Est-ce que l'on peut parler d'une construction a posteriori d'une antiquité grec classique, sublime, où le discours est partout avec des grands orateurs? Y a-t-il une réalité historique où le discours serait partout et puis une réalité fantasmée? Oh oui, c'est tout à fait clair. Nous travaillons actuellement, nous mettons la dernière main à une nouvelle traduction de Démosthène et il apparaît très clairement que Démosthène a construit sa propre statue. Quand Vincent Azoulay, qui s'est occupé de la partie historique de ce travail sur Démosthène, montre bien que l'influence effective de Démosthène a été relativement moyenne. Et à côté de ça, vous avez un homme politique comme Démade, qui a négocié les accords avec Philippe II en 338, après la défaite de Chéronée. C'est probablement un homme politique qui a eu plus d'effet sur la réalité. Eh bien, on n'a rien gardé. Alors, on a sa trace dans les inscriptions. Ce qui permet aux historiens de prouver qu'il a existé, qu'il a eu un grand rôle. Mais sur le plan rhétorique, il s'est fait complètement doubler par Démosthène, qui lui avait bien pris soin de construire son image posthume. C'est ça aussi qui est intéressant. Ah bah oui, dans ce regard sur la rhétorique, c'est que maîtriser l'art du discours, c'est parler pour ses contemporains et parler pour l'histoire aussi, parce que cette rhétorique antique, Pierre Chiron, traverse les siècles. C'est une forme d'art, un art sans cesse répété durant l'Antiquité. Et encore au Moyen-Âge, nous allons retrouver tous ces procédés. Oui, il y a effectivement une transmission. Alors, transmission, je ne sais pas si vous envisagez de traiter à part la rhétorique latine, mais la rhétorique latine est très très différente. Elle utilise un grand nombre de traditions héritées des Grecs, mais elle les adapte à une société qui est une société de caste, très aristocratique, où l'accès à la parole, l'usage de la parole sont régulés de manière complètement différente de la façon démocratique. Donc, je dirais, c'est ça la formidable robustesse de cette technique qui a été mise au point à l'époque classique d'Athènes. Robustesse parce qu'elle a réussi à traverser les siècles en s'adaptant ou en étant adaptée, y compris à des régimes antidémocratiques. Bah oui, tiens, au moment d'ailleurs où l'on craint, et vous aviez raison Pierre Chiron d'évoquer Rome, où l'on craint que César devienne empereur. César était un vrai tyran. Oui, il n'y a pas de doute qu'on débarrasse pour Rome. Romains, amis, citoyens, prêtez-moi dans l'oreille. César fut mon ami, fidèle et juste. Mais Brutus dit qu'il se montra ambitieux. Et Brutus est irréprochable. À Rome, il ramena d'innombrables captives dont les rançons vinrent grossir le trésor public. En cela, César se montra-t-il ambitieux? Lorsque les humbles pleuraient, ils se morfondaient. L'ambition n'est pas faite d'un métal aussi fin. Or, Brutus dit qu'il se montra ambitieux. Et Brutus est irréprochable. N'allez pas croire que je réfute les propos de Brutus. Mais je suis là pour prouver ce que je sais. Vous aimiez tous César, et non point sans cause. Quelle cause alors vous retient épancher vos larmes? Oh, jugement, ton refuge est auprès des bêtes! Les humains ont perdu la raison! Au fond, quand on pense à ce que fut César, c'est inique ce qu'on vient de faire. Ah oui, vous croyez? J'ai peur qu'on ne mette quelqu'un de pire à sa place. Ah bah oui, ça c'est possible. C'est le Jules César de Mankiewicz en 1953. C'était Marlon Brando dans le rôle justement de Marc-Antoine. Et dans cette rhétorique antique, Pierre Chiron, vous nous dites que la rhétorique romaine n'est pas la même. Mais en fait, c'est le contexte politique qui n'est pas le même. Mais les outils utilisés sont repris des Grecs. Oui. Là, vous soulevez un problème très très complexe parce que, comme les conditions politiques n'étaient pas les mêmes, on peut dire que sous l'Empire romain, qui est quand même la grande période de production, y compris pour la rhétorique grecque, on a affaire à une sorte, comment dire, la rhétorique se déploie dans des espaces extra-politiques. Dans un genre qu'on appelle la déclamation, le discours spectacle, qui peut avoir un lien indirect avec la politique. Par exemple, un orateur de grand talent, de grand prestige, pourra se voir confier des fonctions d'ambassadeur. Hein. Mais la rhétorique n'est pas directement politique. Alors, ce qui fait qu'il y a, je crois, à l'occasion, on a fait énormément de progrès théorique, si vous voulez, parce qu'on était dans une espèce de laboratoire. Quand vous regardez, par exemple, les travaux d'Hermogène de Tarse, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui en plus développait la rhétorique grecque dans une sorte d'esprit de compétition avec Rome. Si vous voulez, votre présent est plus fort, vous êtes plus fort aujourd'hui, mais notre passé est plus grand. Hein. Il y a là tout un ensemble de facteurs qui ont permis à cette rhétorique de se raffiner dans des conditions qui intéressent aujourd'hui les esthètes, les historiens de l'art, les historiens du langage, les linguistes, etc. Et puis, justement, avec ces évocations du monde romain, mais toujours de cette culture grecque, eh bien, nous croisons un personnage déjà évoqué dans le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est Plutarque. Théophraste admet trois sources de la musique, la douleur, le plaisir et l'enthousiasme, vu que chacune de ces émotions altère la voix au point de changer ses inflexions naturelles. Les douleurs suscitent des gémissements et des plaintes qui tournent facilement au chant. Aussi voyons-nous les orateurs dans leur péroraison et les acteurs dans leur lamentation tendre leur voix et lui donner insensiblement un ton chantant. Les propos de table de Plutarque, lus par Marc-Henri Boisse dans le cours de l'histoire. Éléonore Salm, il y a toujours cette mise en relation entre l'art de bien parler et le chant. Et dans vos recherches, justement, sur ces relations entre la rhétorique et la musique, vous trouvez aussi des recherches, des réflexions sur la voix, sur comment avoir une belle voix avec même de la recette de grand-mère. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord le fait que les rhéteurs et les orateurs, en général, s'appuient sur des théories musicales, comme vous venez de le montrer par cet extrait rappelant Plutarque. Le fait que on a tout un apprentissage de la voix hein, qui se fait dès le départ. Alors Quintilien lui-même estime qu'une bonne voix c'est la condition sine qua non pour être orateur, ce qu'on en a vu avec par exemple l'histoire d'Isocrate, qu'on retrouve avec Virgile qui aurait pu se destiner à une on va dire, à être orateur politique, mais qui ne l'a pas fait pour des raisons sans doute de un choix à la fois personnel et en raison de sa voix. Et en fait, l'éducation se faisait très tôt. Les élèves prenaient l'habitude de réciter leurs propres compositions déjà chez étant adolescents. Cicéron, par exemple, à l'époque romaine, a fait un voyage en Grèce qui l'a amené aussi à travailler son éloquence et son élocution en particulier auprès de grands maîtres. Et puis, il y avait des exercices et des soins qui étaient de l'ordre du quotidien, comme le rappelait Pierre Chiron, par exemple un mode de vie qui favorise la résistance physique. On a des échos, par exemple, chez Quintilien, par exemple la marche, les massages, une forme de frugalité. Et puis des trucs, comme on les apprend aussi aujourd'hui, c'est-à-dire notamment l'échauffement de la voix, ne pas commencer un discours de manière très abrupte, mais s'échauffer la voix, éviter de rester dans les extrêmes, varier les tons. Et on pouvait même parfois prendre des cours auprès de professeurs de voix. On a des excès rapportés par les anciens, mais évidemment de manière assez tardive, hein, là aussi, qui nous racontent que certains prenaient de la gomme, certains se gargarisaient pendant leur discours. Donc voilà. Mais il y a quand même un écho qui est très intéressant, une anecdote qui est révélatrice de l'ambiguïté en fait du caractère musical des discours. C'est l'exemple de Caius Gracchus. On est au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce réformateur romain se serait fait accompagné dans ses discours par un flûtiste, un instrumentiste. Et là, l'interprétation diverge. On a plusieurs échos, mais soit on dit que c'est pour lui donner le rythme ou le ton, ou c'est pour le calmer simplement quand il irait dans les extrêmes. En tout cas, c'est un phénomène qui a intrigué les anciens et qui montrait déjà une forme d'incompréhension par rapport au caractère musical du discours. Pierre Chiron, justement, aujourd'hui, tout ce qui nous est venu de l'Antiquité est utile à ceux qui veulent prendre la parole, mais que ce soit les étudiants, les personnages politiques aussi. Vous avez publié ce manuel de rhétorique aux belles lettres, donc beaucoup à apprendre. Pas besoin de jouer de la flûte quand même derrière nos orateurs. Non, ce que j'ai essayé de rappeler, de remettre au jour dans ce petit livre, c'est un dispositif, je dis bien éducatif, hein. Il s'agit d'éducation au sens le plus noble du terme. Un seul argument. Le dernier exercice, c'est la proposition de loi. C'est-à-dire qu'on conduit l'enfant depuis les formes discursives les plus simples jusqu'à celles qui lui permettent de s'intégrer dans la société à laquelle il appartient et dans la vie politique à laquelle il veut participer. C'est important ce que vous dites là, bien parler, pour s'intégrer, pour faire partie d'un ensemble. Écoutez, ce manuel de rhétorique est un élément utile parce que le grand oral arrive. Alors, l'oralité est partout, mais dans l'éducation, c'est essentiel. Merci vivement, Pierre Chiron, de nous avoir parlé rhétorique. Et merci aussi à vous, Éléonore Salm. Et merci aux équipes de France Bleu Alsace. Il est l'heure maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. La loi s'empare de l'histoire en Russie. Cette année, pour célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Russie, on veut protéger l'histoire par la loi. Alors que, comme chaque année, chars et soldats défilaient sur la place Rouge pour rendre hommage à la victoire du peuple russe sur le nazisme en 1945, un projet de loi était déposé à la Douma visant à renforcer l'arsenal juridique contre la falsification de l'histoire. L'idée centrale consiste à interdire la comparaison entre nazisme et stalinisme. Grand classique des magazines d'histoire des années 90, Staline et Hitler ont effectivement souvent été présentés en duo sur les couvertures, le plus souvent pour illustrer des comparaisons entre crimes nazis et crimes soviétiques. Un raccourci trop rapide du débat qui habitait aussi la pensée intellectuelle au cours de la guerre froide, comme par exemple Hannah Arendt ou encore François Furet, qui se sont interrogés sur les similarités structurelles de ces deux systèmes, du parti unique à l'embrigadement des sociétés entières et de la mise au pas de l'économie par l'État. Courrier International rappelle que les sanctions pour la diffusion d'informations notoirement fausses, je cite, sur les agissements de l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale et sur les vétérans de la Grande Guerre patriotique, ont déjà été durcies en mars dernier, et avec elles, l'interdiction de la négation des décisions du tribunal de Nuremberg et la réhabilitation du nazisme. un terrain historique sensible, largement exploité par le gouvernement, et des sanctions sévères, financières et pénales, puisque les citoyens reconnus coupables risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. À titre d'exemple, l'opposant Alexeï Navalny a notamment été accusé d'avoir offensé un ancien combattant parmi les nombreuses charges avancées contre lui par la justice russe. Le quotidien russe aussi et indépendant Kommersante publie la réaction de l'historien Oleg Boudnitsky, inquiet de voir fleurir les interprétations orientées qui pourraient assimiler un débat historique à un crime, et souligne que le texte de loi prête le flanc aux interprétations arbitraires du travail des historiennes et des historiens. Le goût de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Grande Guerre patriotique du peuple soviétique n'est pas nouveau dans les interventions de Vladimir Poutine sur l'histoire. Un conflit s'est même ouvert entre l'État russe et l'Union européenne en 2019, lorsqu'une résolution controversée avait été adoptée par le Parlement européen qui plaçait sur un pied d'égalité la dénonciation du nazisme et du communisme d'État. Depuis, le président de la Fédération de Russie n'a eu de cesse de dénoncer ce qu'il considère comme une falsification de l'histoire et un mensonge impardonnable. Il avait alors déclaré « Notre réponse au mensonge, c'est la vérité. Nous continuerons de raconter les événements, les faits de la Grande Guerre patriotique, de la Seconde Guerre mondiale donc, d'ouvrir et de publier les archives. » Car on dirait bien que certains de nos adversaires ne savent pas lire ou même écrire, qu'ils n'ont pas Dieu, qu'ils ne savent rien. Une guerre des interprétations de l'histoire qui agit aussi bien au plan intérieur qu'à l'extérieur pour faire la démonstration de la vitalité russe à défendre le point de vue de son gouvernement. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tosiane Viudas, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons notre réflexion sur l'histoire de l'éloquence. Demain, l'art de la dispute au Moyen-Âge.